Joséphine Benninger à Hélène Bayer à Paris. Ma bonne petite Hélène, deux mots à la hâte. Il ne me laisse pas une seule seconde. Nous sommes à la campagne, absolument seuls. Nous nous aimons toujours énormément. C'est pour cela d'ailleurs que nous nous sommes retirés à la campagne. Ici, nous ne sommes pas dérangés et nous pouvons donner libre carrière à notre amour. À la campagne, c'est peu dire. Nous logeons dans une auberge au fond des bois à 100 lieues du monde habité. L'endroit est magnifique, l'air est délicieux, peut-être un peu accablant. Je dors des après-midi entières. Pour des gens qui s'aiment, l'endroit est fait exprès. Tu ne peux t'imaginer comme on est peu dérangé. C'est un vrai bonheur que nous nous aimions tant, sinon ce sera devenir enragé d'ennui. Mais c'est un charmant garçon vraiment, et je sens que cela lui fait tant de bien, après tous ses malheurs, de pouvoir se reposer ici dans la solitude des bois. Je le plains seulement d'avoir si peu d'argent. Je me figure comme ce serait charmant de pouvoir voyager avec lui. Ce serait une vraie surprise si tout à coup on me voyait débarquer à Dieppe avec mon poète. Mais il ne faut pas y songer. C'est un véritable bonheur que je l'aime tant. Sans cela, j'irai peut-être tout de même à Dieppe cet été. Non, c'est très bien ainsi. Aimer et être aimé, voilà le vrai bonheur. On se trouve bien partout, on supporterait même le désert, j'en suis persuadé. Par exemple, il ne faudrait pas qu'il plût. Ce sera alors, je dois le dire, absolument désespérant. Écris-moi de nouveau à Vienne, car je ne crois pas que nous restions bien longtemps ici. Nous sommes de si pauvres diables. Au revoir. Beaucoup de baisers de ta pépite.